nazana makaka nazose la bolingo na yo lokola ba refugee bazela kasa kombi ya loso nase ya moto pa ya one kofoma sola kama sotra kofoma sola kofoma sola JP Minda de Big Manager Willy Tembela, Unité Centrale Edo Moussambio Gima Koda. Une fois de plus, n'a retombé na memere. Et pourtant cette fois-ci, n'a kana ki na sala moi effort. Y'a pas so si va salan zambé qui so de plus de te déni. Pona so ya souka ya ko salanga ma bete. Bitoni, sokin zambe ye me moto tsana mabopo kufo. Eska se trompa ki? Na mi o kili mawa, balika da ko investi sa ki totalema. Kenango, o moni si ko yon nengo komo salangai. Soki o zate na mesa na zoko koli ate. Soki na moni ate na zoko kola lati. E bolingo bamba mbongo. Une fois qu'on va, n'a retombé na memere. Et pourtant cette fois-ci, n'a kana ki na sala moi effort. Y'a quoi so si va sala nzambe ki so de plis de te teni. Pona so ya souka ya ko salanga ma bete. Mena bitudi, so ki nzambe ya ime moto tsana ma mokwa kofo. Eska se trompa ki, na mi o ke li mawa. Bolinga da kwa nevesti sa ki totalema. Kenango, o moni si koyo nengo komo salangai. Soki osate na mesa na zoko koli ate. Soki na moni ate na soko kola lati. Bolingo bamba mo. Soki arivenga na beli bongo ye. Eko sala sena mabukwa kofo ehe. Sasirarye bubika ambilas. Bukuvu masolo yende bubia mutima ehe. Cheriko la papa Soraya. Soki yende seka trenga na kyole. Eko sala sena mabukwa masola ehe. Ye mutu atiriki fasuna kaya kokanisa ehe. A perdi beba risu ya motu na mai. Nebolingo na ye ya tenguwe. Na baka pris na ye ya ba fricha. Moi je ne peux plus. Sanjangula. Toke ya kokare, toke. Ya kokare senga. Mama e. Ya kobini samba e. Nabiko. Mambo senga kafelo na pesa kibino. Osenga kansamba na pesa kibino voti. Osenga kavelo na pesa kibino voti. Wane loko wane goyana. Na 2012. Na siya tingo. Chilzi omele. Madera madepe. Souve sala kitango to sala kia solo lae. Peme ni moto sala kite kakambi. Baloba kambire sala kana matui. Ifala kipi bapi samir maloba kuiti. Mwane maloba kito kumira sala kia olobae. Zoka mire sala kana mono bako olobae. Michel. Minene toke Balabili ah Yako kare seka Mama e Yako bini sakaye Nabiko Kukako fungo la poto na chabe kobi problem Sose moko tele kilo le mono nerengi Yako shibe Kama sutra Mande chupo Dosez s'il vous plaît Mande chupo Madera matembe Mes chers amis, mes frères et sœurs, mes grands frères, pour la première fois je vais vous présenter Badou. Écoutez quoi. Merci. Pato tiens. Oh, venez par panne. Allez, bon à Paris, bonsoir. Ah, oui, ça va, il faut le toquer. Nadej, je pense, on a si un truc pour parler aussi. Applaudissez quand même pour lui, s'il vous plaît. Merci. Jus d'orange. Pour lui, vraiment, je vais parler à Lingala, quoi. Je vais vous m'excuser, quoi. Donc, yeah. Akenaraba, côté mon robot, yeah. Dosé, s'il vous plaît, Freddy. Yakenaraba, côté mon robot, yeah. Abama imoko boye kaka Boyokaye. Merci, j'étais de Nian, Spilang Aloyembo. Ali, nos fins de scénario. Ouais, Fatimba, la Rambo Showbiz. Tu devrais je suis de Nian, mon toi y'a pas. Tu devrais pas sur ton sang. Il faut la merde, chérie. L'amour est une force. Tu es mon cœur, mon yard, mon âme, mon jar. Je t'aime à la folio. Shaba la baba iba pou. J'yar milambo. Oh oh. Shaba la baba iba pou. Dadou likoi nangaye. Shaba la baba ilambo. Chantal madame gaton ikourayi. Yo de sabie kamanto na saison sèche. Yo katama wa yo zongelanga. Chera tike linga boni gona mesa. Atike linga boni gona mesa. Chera tike linga boni gona mesa. Atike linga frake kauso. Atike linga boni gona mesa. Atike linga trezor pembe. Atike linga boni gona mesa. Atike linga boni daduli koya dengi nga semedito tia. Ini tena chongo. Awa bana Panama. Mama boko frema isa langa bia kwa. Awa bana Panama. Eric Balondo Kofana Balondo. Tide freye. Papa na melina, olie makoto, no no no, olie olie olie makoto otonde. Shita valie valie valie makoto batonde. Meme na bolingo yo na zole, la babeti ngaki sambe. Meme na bolingo yo na zole, la babeti ngaki sambe. Tala kamo tamo kamo beta mango mango rukudu kukonfi la ben problem. Tutu, shita, je dire ni ante papa caprice. Ah ouais, bana Panama, jus d'orange, bana café. Tu devrais pas sur ton sao, il fallait me dire chérie. L'amour est une force, tu ne peux pas combattre chez toi. Tu es mon cœur, mon yard, mon âme, mon char, je t'aime à la folio. Shaba la baba ilango, je dirais niante. Shaba la baba ilango, vont tangu ali no sende. Yo de sabie kamanto na saison sèche. Yo katama wa yo zongelanga. Tu m'as trompé, oh, donne-moi l'amour.